Si ça ne va pas fort aujourd'hui, dites-vous bien que vous auriez pu être Paul Vaslavik. Paul Vaslavik, l'un des plus beaux représentants de l'école de Palo Alto, école de psychologie, qui a porté son attention notamment sur la communication. Vaslavik a isolé un mécanisme très puissant en matière d'échec, l'ultra-solution. Celui-ci peut se résumer de la manière suivante. Si quelqu'un ou quelque chose échoue, pourquoi ne pas en rajouter pour être définitivement sûr d'échouer? L'ultra-solution pour Vaslavik, c'est ce médicament qui permet de guérir définitivement un malade en le tuant. Dans la plupart des cas, l'ultra-solution consiste à écarter toute mesure prudente et raisonnable qui risquerait de rétablir une situation. Un exemple, la question du port d'armes aux États-Unis. En février 2018, une énième tuerie a eu lieu dans un établissement scolaire en Floride. Un esprit pondéré aurait pu être tenté de mettre en relation la multiplication des tueries avec la facilité de se procurer une arme. Quelle pensée banale ! They took time. And gun them down one by one. Boom, come over here. Boom, come over here. Boom. Donald Trump a mis un point d'honneur à refuser cette solution. Voilà pourquoi il a proposé d'introduire plus d'armes dans les établissements scolaires. Plus d'armes devient ainsi le remède à trop d'armes, une sublime illustration de l'ultra-solution. Une ultra-solution qui n'a pas manqué d'ailleurs de donner des résultats à la hauteur des prévisions, puisqu'en mars 2018, trois élèves d'un lycée californien ont été accidentellement blessés par leur professeur, lequel s'était armé pour leur apprendre le maniement des armes. L'ultra-solution est une bonne manière de ne jamais s'avouer vaincu, comme l'a déclaré Donald Trump. Il faut se battre et pas seulement se défendre. Autre exemple, comment en finir avec les inégalités? Des cervelles timorées pourraient par exemple imaginer des mécanismes redistributifs, une évolution de la fiscalité, mais Dieu vomit les tièdes. Voilà pourquoi il faut une vraie bonne ultra-solution pour en finir avec la pauvreté, par exemple abolir l'argent. C'est par exemple la solution retenue après la révolution russe par certains théoriciens qui entouraient Lénine. Géniaux dans l'ultra-solution, ils décidèrent de produire une ultra-inflation pour détruire la monnaie, puisqu'ils savaient bien que les Russes, riches ou pauvres, ne rendraient pas l'argent. Et c'est ainsi que l'impression de papier-monnaie devint la première industrie du pays. 60% des dépenses de l'État passaient dans l'impression de papier-monnaie fin 1919. Inutile de dire que cette mesure radicalement radicale parvint uniquement à renforcer les inégalités sociales qu'elle était censée détruire, l'ultra-solution ayant généralement le mérite de fonctionner à l'envers, d'indiquer la route la plus courte vers l'échec. Et maintenant, bonne journée puisque vous n'êtes pas impatient de Vaslavik.